en prenant conscience de vos appuis. Ça peut être vos deux pieds à même le sol, votre contact à la terre. Sentez ce contact, sentez vos pieds contre le sol. De manière analogue, vous pouvez sentir vos cuisses, vos fesses sur votre siège ou à même le sol. Peut-être que votre dos est appuyé contre le dossier de votre chaise. Et enfin, prenez conscience de vos mains. Est-ce qu'elles sont posées sur vos genoux, sur vos cuisses? Est-ce qu'elles sont croisées devant vous? Et maintenant, je vous invite à imaginer un endroit agréable, un endroit idyllique. Ça peut être un lieu que vous connaissez vraiment, un endroit où vous avez été très heureux dans l'enfance, une maison ou un appartement où vous avez vécu, un lieu où vous avez passé de formidables vacances à la mer, en montagne ou ailleurs. Comme ça peut être aussi un lieu totalement imaginaire. L'important, c'est que ce soit un endroit qui évoque pour vous quelque chose de vraiment chouette, vraiment agréable, comme j'ai évoqué pour moi cette maison de ma grand-mère, qui était un paradis pour enfants, avec des instruments de musique, avec de quoi bricoler, avec un jardin, avec mille et une choses pour pouvoir s'y occuper à tous les âges, avec une bibliothèque extraordinaire, et j'en passe. Trouvez-vous un endroit comme ça, qui soit votre maison du bonheur, qui soit votre endroit intérieur, un endroit où vous avez plaisir à aller, et où non seulement vous, à votre âge d'aujourd'hui, auriez plaisir à aller, mais où vous savez que l'enfant que vous avez été, ou l'ado que vous avez été, ou le jeune adulte que vous avez été, s'y sentirait bien aussi. Ce lieu, finalement, est capable de satisfaire les envies, les besoins de tous ces âges-là. Peut-être que c'est un cadre de nature, peut-être que c'est au bord de la mer ou d'un lac. Mais en tout cas, ce lieu présente tout ce qu'il faut finalement pour satisfaire les besoins, les attentes de calme, de jeu, de contact, d'échange, de tous ceux et celles que vous avez été aux différents âges de votre vie. Quand vous avez trouvé ce lieu, je vous invite à imaginer que vous vous retrouvez face à votre enfant intérieur, face à vous, à l'âge qui se présentera. Peut-être que vous allez vous retrouver avec une version de vous-même à 3 ans, 5 ans, 7 ans. Voyez cet enfant que vous avez été, accueillez-le dans cette maison. Invitez-le à y revenir si c'est un endroit qu'il ou elle connaît bien, ou à le découvrir si c'est un endroit que vous venez de créer pour vous, pour lui, pour elle. Et dites à cet enfant qu'il est chez lui dans cet endroit, qu'elle est chez elle si c'est une petite fille, et que vous serez là pour lui, pour elle. Vous allez passer du temps ensemble, à pouvoir jouer ou à dessiner, à pouvoir faire de l'activité physique ou lire dans un coin, être juste les deux ou avec d'autres personnes en plus. Expliquez à cette partie de vous-même que maintenant vous êtes adulte, que vous avez tel âge, que vous avez acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, beaucoup d'amour, beaucoup de ressources intérieures, et qu'aujourd'hui, il n'y a personne de mieux placé que vous pour prendre soin de cette partie-là de vous-même, de cet enfant que vous avez été. Ressentez en vous tout l'amour que vous pouvez donner à cet enfant. Ressentez combien vous comprenez ce qu'il est, ce qu'elle est, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu, de quoi il ou elle a besoin. Prenez conscience que personne ne connaît mieux cet enfant que vous et ne peut autant lui apporter ce dont il ou elle a manqué. D'attention, d'amour, d'affection, d'estime. Vous pouvez le prendre, l'apprendre sur les genoux, vous pouvez vous promener avec, vous pouvez lui parler, passer du temps. Lui dire combien cette partie de vous est importante pour vous. Et lui donner l'assurance que régulièrement, ça peut être tous les jours au début, ça peut être une fois par semaine, à d'autres moments, vous allez revenir le voir, la voir, lui poser des questions, savoir comment ça va, de quoi il ou elle a envie, a besoin, que vous serez présent pour être à son écoute, pour jouer avec, pour passer des bons moments. Et que non seulement ça, mais que progressivement, en fonction de vos besoins, des siens, vous allez pouvoir y mettre d'autres parties de vous-même. À l'adolescence, ou comme jeune adulte, ou comme nourrisson. Vous allez même pouvoir y inviter des personnes qui vous ont été chères à une certaine époque, et que vous allez aussi introduire là, qui seront aussi présents, qui seront aussi des ressources. Vous allez pouvoir vous créer comme une famille, une communauté intérieure, un endroit de ressourcement, un endroit où vous appréciez, où vous aimez, où vous ressourcer, vous nourrir, vous faire du bien, avec toutes ces parties de soi-même qu'à des moments on a un peu mis de côté, des parties dont on a peut-être eu honte, qu'on aurait voulu oublier, le collégien ou la collégienne qui n'était pas accepté, ou le lycéen qui était comme ci ou comme ça, ou boutonneux, etc. Et pouvoir se dire, mais aujourd'hui j'ai assez d'amour en moi, j'ai assez de compréhension, j'ai assez d'empathie pour pouvoir réintégrer toutes ces parties de moi dans mon être. Ce travail que fait le chaman en recouvrement d'âme, qui va chercher des fragments d'âme qu'on a perdus dans des moments de traumatisme, une partie de ce travail, on peut la faire soi-même, aussi simplement que ça, prendre ce temps-là. Et si une de ces parties de vous vous dit, bah tiens, j'aimerais bien jouer, vous pouvez ensuite, à la fin de cette méditation, prendre un temps pour jouer avec vos enfants ou avec des amis. Vous allez redécouvrir probablement des ressources de créativité, d'imagination, de jeu, de sensibilité qui avaient un peu disparu avec ces parties de vous-même à mesure que vous les réintégrez dans ce lieu, que vous leur consacrez un peu de temps. Et quand je dis un peu, ça n'a pas besoin d'être long. 5, 10, 15 minutes passées comme ça, avec ces parties de soi-même, ont un effet profondément thérapeutique. Ça reconstruit l'estime de soi. Ça reconstruit l'amour de soi, le respect de soi. Et progressivement, votre bouclier adulte verra les trous qu'il pouvait encore avoir, des vieux trous faits il y a longtemps, se reboucher progressivement les uns et les autres. Pour aujourd'hui, pour maintenant, je vous inviterai à prendre congé de cet enfant, de cette partie de vous-même, à la remercier d'avoir été là, et à lui dire que vous la retrouverez bientôt pour passer de nouveau du temps avec, pour être à son écoute, et de savoir qu'elle a vraiment maintenant une place en vous, qu'elle est entendue, et que vous êtes son parent, vous êtes son référent qui peut lui apporter tout ce qui est nécessaire à son plein épanouissement et à son intégration complète en vous pour progressivement réaliser l'unité intérieure à laquelle nous aspirons tous et toutes. Prenez congé de lui, prenez congé d'elle, en lui donnant l'assurance de bientôt la retrouver, le revoir. Et à votre rythme, prenez une inspiration profonde et vous pouvez rouvrir les yeux.